pas sommeil, non, j'ai pas sommeil. Nous on fait bande à part, c'est le business rien de personnel. Par semaine, ouais ouais par semaine. T'imagines pas ce qui rentre, c'est le business rien de personnel. Qu'est de l'oseille, bien plus d'oseille. Et quand j'en perds, faut en refaire, donc je récupère. Des rires, des pleurs, des peines de cœur. Je te fais confiance, ne me déçois pas ma sœur. On ira, on ira. T'imagines pas, viens faire un tour dans mon 9-3, c'est Gomorra. Des criminels, cachés en bas. Plus d'un contrat, sur ta tête y'a un contrat. Toujours dehors, je sais qu'ils veulent mon malheur. Je vais plus le revoir, il m'a dit à tout à l'heure. Je réalise pas, tous les jours j'ai malheur. Tous les jours j'ai malheur. Si je te dis la vérité, tu vas vouloir tous les éteindre. Fais des sombres histoires. Tous les jours j'ai malheur. Si je te dis...